société que tout le monde s'accorde à haïr. Pas critiquer, il est bien bon de parler, mais avant, il faudrait agir. Essayez au moins de construire plutôt que de démolir. Tous les jours, me rebelle et dans la mer. Parle d'un pouvoir trop violent et de la mort. Du métal, ou enfant des cités. C'est même pas ce que l'on parle, mais ce que l'on fasse. Encore certains, une étincelle est une femme. Se cacher dans une attitude qui tombera un jour ou l'autre. Se mentir à soi-même, c'est avant tout mentir aux autres. Avoir le courage de regarder dans le miroir. Trouver le visage et accepter de le voir. Warriors in town, hey. You know what me say, yo? For when the bass ya drop, it's like a heart attack. We got the world a rock. Me see them all in shock. It's like them still in trap. We got the city lock. We got the whole place lock up, and there is no turning back. It's like a bomb a drop. Me see the road a block. And nobody no strap. Everybody a rock. I'm from the west to the east to the south to the north. The whole place flock. And me say sweat a drop. So me say like that. Turn it up loud. Turn it up loud. Later the night, at the heavy, at the bass. Turn it up loud and make we shake up the place. Everybody out there have a smiling face. And the ladies, them just a move them waist. Support the bar, just skin is by the case. Orange juice and champagne, the girls, them a chase. Play by the bounce sound, I'm just turn up the bass. Make we shake up the world. Alright, dude. So wah-wah-wah-wah-wah, you better turn it up loud, turn it up loud, turn it up loud, I make we rock the crowd. Turn it up loud, turn it up loud, turn up the bass, I make we shake the place. But this is not an earthquake, got the bass in your face. Make the whole world, them just move them ways, just in case. nice. You in at the place. Tell the whole world for this, I wanna high grade. Higher than the eyes, and you know, we got it going like a blood vein it a flow. You keep it rocking, make the whole world know. For this music, keep your body on the go. For good and fast and slow, we turn it up and we a play. When we rock it, good and night, good and day, we no care. Anything or anything you hear when we say, turn it up loud and make it play. We shake the place because it's later the night at the heavy at the bass. Turn it up loud and make we shake up the place. Everybody out there have a smiling face, and the ladies them just a move them waist. Support the bar, just guineas by the case. Orange juice and champagne, the girls them a chase. Play by the bounce on, I'm just turn up the bass. Make we shake up the world. We get them mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad. Provoquer, provoquer. contradiction pour gagner, provoquer, provoquer la contradiction pour gagner. Cherche pas de limite, d'une continuité dans mes pensées, de mes pensées. Ce qui m'incombe, c'est qu'elles se fondent telles une sonde à la recherche d'une réflexion qui me correspond. Gagner la raison, gagner la raison. On va gagner la raison, on provoque la contradiction. Jésus évolué de façon empirique, véritable plan de actif, oublié de la musique. Vois tous les fougueux, les flics, bousculés sans rien casser, évitez les rites. À moins de te trouver une vocation providentielle, de la vie, tiens-toi seulement à l'essentiel. Change la soupe à la grimace, en miel, le QI. En caution émotionnelle, mes yeux ont des balises, mes pensées ont des ailes. Gagner la raison, gagner la raison. On va gagner la raison, on provoque la contradiction. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut garder le contrôle. Si vous n'ouvrez pas les yeux, nous sommes fichus. Il faut garder le contrôle à tout prix. Ok, d'accord. On va écouter le vieillard, mais bon. Gardez le contrôle. Ouvrez les yeux. Ok. Mais ce soir, on n'est pas venu gagner la raison. Ce soir, on est venu péter les plombs. Yeah! Tout le monde, on est venu péter les plombs. On est venu péter les plombs. Alors, provoquer, provoquer, provoquer. Tous ensemble, on provoque la contradiction. Gagner la raison, je provoque. Gagner la raison, tu provoques. Gagner la raison, je provoque la contradiction. Allez, venez. Cherche pas de limite et de continuité dans mes pensées, de mes pensées. Ce qui m'incombe, c'est qu'elles se fondent telle une sonde à la recherche d'une réflexion qui me correspond. Merci. Vous êtes toujours dans la 51e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On poursuivra en live avec Therion de Rise of Sodom and Gomorrah. C'était double album Live in Midgard sorti en 2002. On retrouve aussi Invocation of Namaha, Riders of Teli, Seven Secrets of the Sphinx, entre de nombreux autres. J'adore ce groupe et cet album en particulier. Tiens, une autre nouveauté, Jimson Weed, les Normands de Rouen. Ils viennent de sortir un EP 4 titres, Résurrection. On peut entendre Metal Massacre, Vendredi Maudit et Destruction. Allez faire un tour sur la page Facebook de Jimson Weed. Jimson comme Jimson et Weed comme Weed. On enchaînera avec un grand classique de Franz Ferdinand, Take Me Out. C'est sur l'album Franz Ferdinand sorti le 9 février 2004, leur premier album. On peut entendre aussi Taylor Tonight, This Fire, Take Me Out. Et on ira faire un tour en Jamaïque avec Buju Banton et Wicked Act. C'est sur Voice of Jamaica, sorti le 3 août 1993. On retrouve aussi Red Roses, Commitment et Him Take Off entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Black Sabbath et NIB. C'est sur l'album Black Sabbath sorti le 13 février 1970. On peut entendre aussi The Wizard, Evil Woman et Sleeping Village notamment. Thank you very much. We'll be right back. everything fine. Open up that, make that the life in the city, be the pretty car. Oh yes, you know where you from, and you know who you are. But you never see a crown black and shining star. Such a wicked act, we want all the bloodshed. We stop a white and kill white, and black and kill black. Such a wicked act, we want all the bloodshed. We stop a white and kill white, and black and kill black. Now tell me, how did you feel every morning that you had to wake up? Dressing up in a suit and tie, swimming up past the makeup. We're looking unreal, people, yo, we got to wake up. Express the inner self, you know we got the shape up. You say you love me, but I know you're real, man, hate me. Try to test the righteous, don't you know you must be crazy? I think I know them of with life well planned. Find me up and set me like a nuclear bomb. But them plan back for you, MGN never strong. Full time with you self, I know where we stand. We can't solve every problem with gun and bomb. Teach the world bust a rhyme, and the bunch of bands. Such a wicked act, we want all the blood change to stop. Bitch, I'm white, I kill the white, I'm black, I kill some. Such a wicked act, hey. We want all the blood. Listen, no matter who you are and where you come from, you miss it, don't check it, how you like. No matter it was a universal message to teach everyone, giving a shout to every person. Big up to every gang, love is the message and peace is the plan. No let war and envy turn your inner villain. Sing along, why do you want to hurt your brother man? Brother you man. Must see why your life ain't up in a dungeon. Not true, you go and like your wicked and choke it like your wine. That is why you end up 6'6" and all the silo. Ease your temper, take it with a smile. Bust a rhymes and put you with them in a dance all style. Yeah, you know the words with me I said. Me busting and me fighting and me killing and me guap. Let me tell you man, I take advantage of this privilege that I have right here to mention. Follow your good intention as I strive for perfection. But about that, bust a rhyme and a wicked combination. With a whole lot of information for the next generation. Always strive to be original, that's a fact man. Cause you will never see the picture until you understand. I'm ready to sit and mold ya and start to sculpt ya. Proper communication as we understand culture. And if you're ready for the learning process, people must get up and step up with progress. Go for the goal and nothing less. Repent before you find yourself wind up in a mess. Don't give me no minute of silence, just a day of happiness. Now you know we got to stick together and face the test. Check, check all your check, make sure that's it. And if you think we do, why you not hear nothing yet? Wicked up, ah. We want all the blood change to stop. Bitch, I'm white, I kill the white, I'm black, I kill the. Such a wicked up. We want all the blood change to stop. Bitch, I'm white, I kill the white, I'm black, I kill the. Oh, guys. Thank you. Vous êtes toujours dans la 51e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On vient de se faire The Rise of Sodom and Gomorrah en live de Therion, une nouveauté Destruction de Jim Sonweed, Take Me Out de Franz Ferdinand, Wicked Act de Buju Banton et NIB de Black Sabbath en live. On poursuivra cette émission en live avec Trust et Monsieur Comédie. C'est sur l'album Répression, leur deuxième album sorti en 1980. On peut entendre aussi Antisocial, Instinct de mort, Saumur et Le Mitard. Dernièrement, j'ai un groupe brésilien qui m'a envoyé son premier single. Et oui, apparemment, on nous écoute même au Brésil. Elle n'est pas belge, la vie. Donc, le groupe s'appelle Dinosaur Head. J'espère qu'ils vont sortir un album. Je vais être le premier à diffuser en Europe. Et le titre, c'est Black Rain, des nouvelles très très vite. Tiens, un classique du reggae, Alborosi et King Kong Kingston's Town. C'est sur l'excellent Sal Pirate, sorti en 2008. On retrouve aussi Precious, Rastafari Anthem, Herbalist et Police notamment. Un autre excellent album. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Dire Straits et le grand classique Money for Nothing. C'est sur le sublime Brothers in Arms, leur cinquième album sorti le 1er mai 1985. On peut entendre aussi So Far Away, Walk of Life et Brothers in Arms notamment. Sinon dans la police, l'être humain est repu. Il est rassasié dans une atrocité. C'est un peu facile de dicter les messages quand on est au chaud, à l'abri des assauts, pendant que tout un peuple crie. Sous sa camouflage que blindé comme un tank, il est sous une tente protégée comme une bande. Sir, forgive us why and rude boy tone. It's Kingston town, sibling down down, sibling down down. It's a rude boy tone. It's Kingston town. Some man have no manners, still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this thing thing. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana around the corner, them juggling. One madman get team food straight out of the garbage bin. Aye. Sibling down, down, sibling down. Why don't it's Kingston town? Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude why don't it's Kingston town? Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude why don't it's Kingston town? Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude why don't it's Kingston town? This a the gun land, blood run cold from the white sand. Concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community, get washed out by a bloodstorm. Every weekend, same routine, one new function. Push them con more dead than 9-11 destruction. Hey. Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude boy town. Them blows one tiny something, hide up perfect boobs. Them always a smile if you got baby eyes. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude boy town. Vous êtes toujours dans la 51ème Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Monsieur Comedy en live de Trust, une nouveauté Black Rain de Dinosaur's Head. J'avais oublié tout à l'heure un Dropkick Murphys, My Hero. On a poursuivi ensuite avec Kingston Town de Alborosi et on a fini en live avec Money for Nothing de Dire Straits. On continuera cette émission en live avec Sin Lizzy et Angel of Death, c'est sur Renegade, leur 11e album sorti le 15 novembre 1981. On retrouve aussi The Pressure Will Blow, Leave This Town et It's Getting Dangerous notamment. Tout à l'heure, je parlais de rap à l'ancienne et une des rares femmes du milieu, c'était Kenny Arcana. Alors je diffuserai Les gens pressés, c'est sur Tout tourne autour du soleil, son deuxième album sorti en 2012. On retrouve aussi Esprit Libre, Capital de la rupture et Fille du vent notamment. Je passerai ensuite une autre nouveauté, Verticool de Grand Blanc, c'est sur l'album Mémoire vive sorti en 2016, là il y a peu de temps. On peut entendre aussi Surprise Partie, Disque sombre et Samedi la nuit. Allez faire un tour sur la page Facebook de Grand Blanc, un petit j'aime au passage, ça fait toujours plaisir. On s'écoutera ensuite une autre nouveauté, Dark Necessities des Red Hot Chili Peppers, c'est sur The Getaway sorti il y a 15 jours. On peut entendre aussi Sick Love, Go Robot et ma préférée de l'album, Disticonderoga. J'ai du mal à le dire, par contre j'arrive bien à l'écouter. Et on finira ce bloc en live avec Les Sélecteurs et On My Radio, c'est du Best of Out of the Street, sorti en 1992. On retrouve aussi Missing Words, Street Feeling et Too Much Pressure, notamment. We'll be right back. the 16th century, there was a French philosopher by the name of Nostradamus who prophesied that in the early 21st century, an angel of death shall waste this land. A holocaust the likes of which this planet has never seen. Now I ask you, do you believe this to be true? Are we standing by the bedside? The name of the father died. He was crying out in pain. To his God he said, have mercy, mercy. His body was riddled with a disease. Well, no to man, so they expected no cure. But before he died that night, he was lost and insane. He went downtown, deep underground. Great disaster. We'll all go downtown. Thank you. Thank you very much. I want to introduce another very good friend of mine. The pride of Manchester. On keyboards, who else but Mr. Darren Warden! Hello, hello, planète Terre, planète en détresse, petit homme surmené. Au milieu des SOS, petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'envers. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barre au enfer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vice et de banksters. Vente d'indignation venue de la planète entière. Fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, sois gardien de ton frère. Incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être, brise tes chaînes. Écoute le souffle de l'âme. Les foules n'ont pas raison. Troupeau et fous de drame. Ne se pose pas de questions. Ici y a tout de grave. Chante de plaie. J'en presse sans inhibition. Qui marche dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant. La tubée pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, ce poids, ce détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse. Pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique chez jeunesse, y'a plus qu'une, on se rêve. Tout trahi, on se crève. En secret, on s'aime, on haït, on saigne. Si on faille, on serre, on crève. Si on cède, rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être, brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais des laissés d'histoire. Qui interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire, rêve de vitrine, victime, tuée pour la gloire, attirée par ce qui frime. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, désabusé à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut mort tout derrière des barreaux de prison. Digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. Inertie totale, infectée, les plaies, le sens, sclérosée par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés. Pas de prestige.

Vous êtes toujours dans la 51e Bumper Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Angel of Death en live de Tinizi, Jean Pressé de Kenny Arcana, une nouveauté Verticool de Grand Blanc, une autre nouveauté Dark Necessities des Red Hot Chili Peppers et on a fini en live avec On My Radio du Selector. On continuera cette émission en live avec les Doors et Break On Through to the Other Side. C'est du live at Aquarius qui a été réédité le 18 septembre 2001. On peut entendre Backdoor Man, You Make Me Real et Celebration of the Lizard notamment. Cette semaine, je vous gâte en nouveauté. Voici Jagger Jack et You Walk Away. C'est issu d'un EP 4 titres But I Want sorti en 2015. On retrouve But I Want, Don't Stop to Play, You Walk Away et Unhealthy Ways. Allez faire un tour sur la page Facebook de Jagger Jack, Jagger comme l'alcool allemand et Jack comme la bouteille carrée. Je diffuserai une autre nouveauté, Ready to Rise de Supersonic, c'est sur l'album Supersonic sorti en 2015. On retrouve aussi Eya, The Call et One Way Ticket notamment. Tiens, envie de son culte. Ce sera Double Trouble de Lynyrd Skynyrd, c'est sur Give Me Back My Bullets. C'est donc leur quatrième album sorti le 2 février 1976. On peut entendre aussi Every Mother's Mom, Give Me Back My Bullets et Cry for the Batman, entre autres. On finira ce bloc en live avec Genesis et That's All. C'est du live The Way We Walk, le volume 1 The Shorts, un double album, et quel double album, sorti en 1992. On retrouve aussi Land of Confusion, I Can Dance et Invisible Touch, entre autres. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, bring on through to the other side. Bring on through to the other side, bring on through to the other side. Chased off Leo here, dug out trail there.

Vous êtes toujours dans la 51e Vampire Freak, c'est Spike qui vous accompagne. Alors on vient de se faire Break on Through to the Other Side en live des Doors, une nouveauté You Walk Away de Jagger Jack, une autre nouveauté Ready to Rise de Supersonic, un grand classique Double Trouble de Lynyrd Skynyrd, et on a fini en live avec Genesis et That's All. Cette 51e Vampire Freak touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freak, cette émission en radio. On finira cette émission avec Feu Chatterton et l'entêtant Boeing. C'est sur le sublime Ici le jour, à tout enseveli, entre parenthèses, sorti en 2015. On retrouve aussi Foualier, Côté Concorde et Le Malinche. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et toutes, la tribu! Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de l'air. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle, non plus de densité. C'est drôle, non plus de densité. Boeing, Boeing, et tes mouvements lançons de majesté. Boeing, Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, jungle embuée d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Chimère, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boeing, Boeing, et tes mouvements lançons de majesté. Boeing, Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, Boeing, Boeing, et tes mouvements lançons de majesté. Boeing, Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfants comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Paris, est-ce la faute de tes passagers indigènes?